au-dessus du lavabo. Depuis longtemps, les yeux retournés vers le dedans de moi, prisonnier dans une nuit. Plus loin que la peine et l'oubli, dans la soif de mes peines. Rien qui me dit, rien qui me dit, rien. De mes mains tremblantes, l'odeur de queue de ma queue pendant que sexe est mort. Et à me laisser taper mort le cœur, plus qu'à laisser pisser. Plus de désir, de rêve, plus rien. La putain d'envie de cette putain qui sourit, se glissant dans mes bras et vient jouer. Un blanc à la tripart, rien qui vit. Yeah.